Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veillon. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local en parlant de la traversée internationale du lac Saint-Jean qui est en fait bail, qui doit normalement avoir lieu samedi. Le départ pourrait se faire à Roberval à compter de 9h. Ce qu'on a appris ce matin, évidemment, les conditions météorologiques sont extrêmement difficiles. On a parlé avec David Lecointe qui suit la situation d'heure en heure. On travaille avec Jimmy Desbiens de Météo Chicoutimi pour avoir des prévisions les plus justes possibles. On a travaillé le parcours depuis le début du mois de février. Ça veut dire qu'on a une surface bien préparée. Et là, on laisse la pluie passer, puis on avisera. Dans un deuxième temps, les équipes pourraient amener une différente stratégie étant donné que la température douce qu'on prévoit samedi. C'est de la surface. Okay. Donc, le principe du fat bike, c'est que au plus la surface est molle, plus on dégonfle les pneus pour avoir une flottaison maximum. Et si la surface est dure, là, on gonfle les pneus plus fort pour pouvoir rouler plus vite. OK. Et il y a combien? Rappelons que c'est demain 16h qu'on devrait en savoir davantage si la compétition sera présentée et à quelle heure que la compétition devrait démarrer. Parlons maintenant du classement POC selon le site internet classementpoc.com qui sera déterminé des équipes dans le secteur. D'abord, à noter qu'au niveau double lettre, on retrouve au niveau Bantam les Rapides de Dobo-Mississigny qui occupent le 8e rang, les Hurricanes de Massouillache le 26e rang. Niveau midget, le Marcos Pop de Saint-Félicien sont au premier rang et les Ambassadeurs de Chibougamau sont au 49e rang. Et au niveau junior, on retrouve les Épervines Normandin au 33e rang et les Sabres de Roberval au 34e rang. Ligue Saint-Pellet, il y avait des matchs qui nous intéressaient. D'abord, dans le novice, les Épervines Normandin ont tenu 3-3. Dans le novice B, les Sabres de Roberval ont eu le meilleur sur les Loups de Dolbeau-Mississigny. Les Castors de Dolbeau ont battu également les Sabres de Roberval 1-4-0. Et les Sabres de Roberval 1 ont vaincu les Épervines Normandin 4-0. Et il y en a également que les Sénateurs de Saint-Félicien ont vaincu les Loups de Dolbeau-Mississigny 4-1. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Marc-André Gagnon, l'instructeur de hockey de la formation du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui va nous représenter aux Jeux du Québec. Et je me suis également entretenu avec David Simard qui nous parle des attentes de l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean, toujours à ces mêmes Jeux. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.